de Lausanne. Enfin, l'axe Bienne de Léman est à nouveau ouvert entre Moutier Sud et Moutier Nord en direction de Léman. Histoire vivante, c'est tout de suite sur la première. Très bel après-midi à tous. Histoire vivante en nouvelle diffusion, proposée par Jean Leclerc et Frédéric Piffer. Cette semaine, l'Amérique et ses démons. It's a free country, right? C'est un pays libre, pas vrai? Des lynchages aux émeutes. Le bilan provisoire s'élève à 5 morts et 138 blessés. Un monde noir et blanc. Plusieurs victimes ont été touchées par balles et d'autres battues. We cannot be satisfied as long as a Negro in Mississippi cannot vote. And a Negro in New York believes he has nothing for which to vote. Les flambées de haine qui se sont produites en divers points des États-Unis au cours du week-end dernier, mettant aux prises des blancs contre des noirs, ont continué cette nuit. Le racisme chez les blancs est peut-être dur à supporter pour les noirs, mais c'est aussi le problème des blancs. La ségrégation raciale aux États-Unis est-elle un thème ancien ? Oui. Oui, car c'est déjà en 1865 que l'esclavage fut constitutionnellement aboli sur tout le territoire. Oui, car peu après, on garantissait par de nouveaux amendements les droits civiques pour le peuple noir et leur égalité devant la loi avec les blancs. La ségrégation raciale aux États-Unis est-elle donc un thème ancien ? Non. Non, car ces amendements à la Constitution restèrent lettre morte, principalement dans les États du Sud, où grâce à des parades législatives, on fit en sorte de réduire jusqu'à 90% le nombre de Noirs pouvant voter ou se présenter à des élections. Mais 15 ans plus tard, tout change. Dans les années 1880, nous sommes après la guerre de sécession, un système nouveau se met en place, la ségrégation. Comme tout était décidément trop compliqué, on a décidé de simplifier. Blancs et noirs seront désormais séparés. Chaque communauté aura ses propres restaurants, ses hôtels, ses terrains de jeu, ses parcs pour enfants, ses écoles ou encore ses églises. Mais la séparation a ses limites. Par exemple, au cours de la Seconde Guerre mondiale, là on admet très bien que noirs et blancs puissent de nouveau cohabiter. Fort des deux guerres qui se succèdent, on décide en 1948 de déségrégationner, mais pas partout. On déségrégationne dans l'armée, mais pas dans le civil, tout de même. Truman, lui, renverra la ségrégation au rang des procédés anticonstitutionnels. Son pouvoir fédéral interdira notamment la ségrégation dans les écoles. Mais en face, on va répliquer. Et on va répliquer pendant longtemps. Les années 60, 70 et même encore 80 sont marqués par les revendications, les mouvements de protestation de Martin Luther King à Malcolm X, en passant par Angela Davis ou le Black Power, la question raciale reste au cœur des divisions de la société américaine. Alors, la ségrégation raciale aux États-Unis est-elle un thème ancien ? Non. Réaliser une enquête sur des crimes raciaux restés impunis représente, pour les journalistes, des investigations fort longues, fort difficiles. Et donc, une histoire bien vivante. Chapitre 1. Coq en stock. Les archives de la radio et de la télévision suisse romande regorgent de reportages, de portraits concernant ce thème de la ségrégation aux États-Unis. Mieux que toute explication, ils racontent des histoires, des témoignages, ils recueillent des ambiances. En prenant l'option chronologique, des reportages les plus anciens jusqu'aux plus récents, en gros de 1960 à 1992, on aura l'occasion d'apprécier comment cette question de la ségrégation évoluera au fil de ces décennies et comment elle modèle l'histoire même des États-Unis. Nous commençons par une déclaration, celle faite par Ralph Johnson Bunche en 1950. Il est le premier homme de couleur à obtenir le prix Nobel de la paix. Ici l'ex-excess. Nous avons l'honneur de nous entretenir aujourd'hui avec M. Ralph Bunche, ancien médiateur des Nations Unies en Palestine, qui vient de se voir décerner le prix Nobel pour la paix en raison de son œuvre pacificatrice en Palestine. On se souvient que M. Bunche a aidé Israël et les pays arabes à cesser le feu, à conclure une trêve, puis un armistice. J'ai été grandement surpris quand j'ai appris qu'Oslo, on m'avait décerné le prix Nobel pour la paix. Naturellement, j'ai été très heureux et aussi confondu d'avoir été choisi pour une si haute distinction. Grâce à vos efforts, monsieur, la question palestinienne ne présente plus aujourd'hui la même acuité ni la même gravité que lorsque vous l'avez prise en main. Pourtant, la question de Palestine n'est pas réglée. Voulez-vous nous dire comment elle se présente aujourd'hui? Les accords d'armistice fonctionnent bien, en ce sens qu'il n'y a pas de guerre en Palestine et que l'on ne prévoit pas une reprise des hostilités. N'en doutons pas, un homme de couleur, médiateur en Palestine et prix Nobel de la paix, voilà quelque chose que n'aura guère goûté le blanc des États du Sud des États-Unis. 1960, cela fait déjà des années et des années que l'homme de couleur, ainsi appelé dans la vieille Europe, est régulièrement appelé « négro » aux États-Unis. Cela fait des années et des années que pour certains d'entre eux, on ne s'est pas arrêté à la seule injure verbale. Selon des statistiques établies par une université d'Alabama, depuis 1880, ils sont déjà plus de 4000 à avoir connu le lynchage. 80 années, 4000 morts, ça nous fait un lynchage par semaine. Écrite dans les années 30 et reprise en 1957, Billie Holiday parle d'un étrange fruit qui pend à un arbre, carbonisé, une forme humaine, quelque part dans le sud profond. Strange Fruit, Billie Holiday. Southern trees bear strange fruit. Blood on the leaves and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Gallant south, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh is a strange and bitter cry. Chapitre 2. Un homme peu ordinaire. 1960, un homme fait parler de lui. Sans doute l'a-t-on oublié, il s'appelle John Howard Griffin. C'est un Texan qui, peu satisfait du système d'éducation aux États-Unis, part, un beau jour, en France, poursuivre ses études, profitant du même coup pour étudier le français dont il ne connaît pas un traître mot en arrivant. La guerre le surprend, la Seconde Guerre mondiale, et l'entraîne dans la résistance, avant qu'il ne rejoigne, mais pour quelques jours seulement, l'armée américaine. Il devient photographe, tombe aveugle quelques années avant de recouvrer la vue, mais la vie pour le moins surprenante de John Howard Griffin ne s'arrête pas là. En 1960, révolté par la condition des Noirs, il ose l'impensable, devenir noir. Pour cela, il absorbe de fortes doses d'un médicament qui soigne des problèmes de dépigmentation, puis à l'aide de rayons ultraviolets, il réussit à changer la couleur de sa peau. Il se rase les cheveux, porte des lunettes afin de dissimuler ses yeux clairs, quitte femme et enfant et vint s'installer dans la plus complète solitude. Il devient ainsi, pendant plusieurs semaines, un noir parmi les noirs. Rencontre avec John Howard Griffin. Je ne pouvais absolument pas rentrer chez moi parce que je serais un étranger chez moi. Et ma femme, qui ne m'a jamais vu noir d'ailleurs, elle avait la même impression. On avait l'impression que quelque chose de très mystérieux et de très terrible s'est arrivé. Que pendant 6 semaines au moins, elle avait perdu son mari. Que son mari avait été remplacé par un autre, je veux dire. Avez-vous écrit à votre femme? Non, c'était impossible. Pourquoi? Parce que j'avais rien à lui dire. Dites maintenant, John Griffin, ce que cette expérience, cet exploit plutôt, vous a révélé. Quelles humiliations avez-vous éprouvées? Les plus évidents, c'était la difficulté de trouver de quoi un endroit pour manger et boire, chercher un verre d'eau et pour aller au water, des choses comme ça. C'est extrêmement difficile. Il faut songer à ça du moment qu'on se lève le matin pour qu'on soit dans une partie de la ville où on trouverait à manger, à boire, et un endroit pour se laver les mains, des choses comme ça. Et c'est ça qui devient très pénible, parce qu'il faut toujours songer aux questions presque animales, vous savez, aux fonctions animales. Par exemple, j'ai entré dans les pharmacies ou les drugstores américains, où on sert de l'eau et des boissons, des choses comme ça, pour acheter des cigarettes. Et il m'est arrivé très souvent de demander au monsieur, où est-ce que je pourrais trouver un verre d'eau, s'il vous plaît? Et d'une façon assez courtoise, vous savez, il me disait toujours, eh bien, il faut sortir et aller à gauche 12 blocs et puis à droite, tourner à droite et vous trouverez un endroit. La même chose pour manger. Avez-vous eu peur? Tout le temps, surtout la nuit. Assez tard, la nuit, ça devient mieux. Le noir se sent... il a pas une sûr. Place, ouais, oui, parce que les blancs sont allés se coucher et il est moins menacé. À partir de la première semaine, quand j'ai vu le regard terrible qu'on vous lance à droite et à gauche, seulement parce que vous êtes noir, je commençais à avoir des cauchemars pour la première fois de ma vie. Et je les ai eus presque chaque soir. Je me suis réveillé très souvent, hurlant, vous savez, effrayé. À New York, un journaliste vous a demandé, maintenant que vous êtes à nouveau blanc, remerciez-vous Dieu de vous avoir fait blanc? Que lui avez-vous répondu? Je lui ai répondu que je ne pouvais pas dire exactement oui. Ça s'est devenu un peu amer pour moi. Dans un instant, retour sur cette Amérique des années 60 de la ségrégation raciale. Ray Charles interprète le titre du film de Norman Jewison, In the Heat of the Night, avec Sidney Poitier, dans le rôle d'un policier noir de Philadelphie, de passage dans un bled du Sud où un meurtre a été commis. Il est d'abord suspecté par la police locale, vu sa couleur, et entretient des rapports plutôt tendus avec le shérif Rod Steiger, une excellente illustration de l'Amérique de ces années 60. Ray Charles, In the Heat of the Night. In the heat of the night, seems like a cold sweat creeping across my brow. Yeah, in the heat of the night, I'm feeling motherless. Stars with evil eyes stare from the skies, all mean and bright. In the heat of the night, ain't a woman yet been born. Make the morn come. of my soul. But just a little light in the heat of the night. In the heat of the night. Chapitre 3. Sa délire sec sous les cagoules. Rouage majeur dans la mécanique raciste qui hante une partie des États-Unis, le Ku Klux Klan. On rapporte, de plusieurs façons contradictoires, la naissance du premier clan. La version d'un de ses fondateurs, au Tennessee, paraît la plus vraisemblable. Six jeunes gens, revenus de la guerre de sécession qu'ils ont perdue, prennent conscience que leur communauté et eux-mêmes sont condamnés à l'inactivité. Ils décident alors de créer un club à but distractif. Ils l'appellent le Ku Klux Klan. Kuklos est le mot grec qui signifie « cercle » et ils s'attribuent des titres impressionnants. « Grand Cyclope » qui désigne leur chef, « Grand Mage »,« Grand Turc » pour les aides de camp, etc., etc. Et ils se déguisent, enveloppés de draps, avant de parcourir les villes. Ils découvrent ainsi, à leur grand étonnement, combien leurs processions silencieuses, leurs noms et leurs habits imposants effraient la population noire. Et ils saisissent immédiatement tout l'avantage qu'ils peuvent tirer de cet effet spectaculaire. Ils transforment alors leur jeu en une série d'actions d'intimidation envers les esclaves affranchis, considérés sadiquement comme sujets de torture. Quelques semaines suffisent pour faire prêter serment à la seconde troupe du clan, de l'autre côté de la frontière, dans l'état voisin de l'Alabama. Dès lors, les clans se propagent dans tout le sud des États-Unis. En 1965, où en est le Ku Klux Klan? Quelques éléments de réponse avec un des grands spécialistes de l'esclavage, David Schönbrunn. Il répond aux questions de Claude Méret. Que représente exactement, au point de vue puissance, au point de vue force, le Ku Klux Klan? Quelle est son organisation? Quelles sont ses ramifications? Eh bien, sa puissance est difficile à déterminer puisque, comme vous le savez, c'est plus ou moins une organisation secrète. Il ne publie pas la liste de leurs membres, donc il est possible qu'il y en a davantage que l'on sait, bien que, franchement, je ne pense pas que ce soit vrai. Je crois que c'est une très petite organisation qui garde le secret pour ne pas révéler sa vraie faiblesse. Mais toute l'importance de l'affaire raciste aujourd'hui, c'est de rétablir et d'établir partout la justice fédérale dans les États autonomes et racistes. Et il y a autre chose, et c'est de briser leur possibilité de faire de la terreur. Parce que la force des organisations clandestines vient non seulement de leur audience, d'ailleurs ça vient principalement de la terreur. Comme en France au moment donné, l'OAS n'avait pas une énorme audience, mais tout le monde entendait bien les plastiqueurs. Les explosions, ça fait de l'impression. Il faut donc avoir des moyens légaux pour briser l'organisation. Alors, quels sont ces moyens? Que préconisez-vous, vous qui connaissez bien votre pays? Je pense que la lutte est gagnée. Dans cette grande chanson qu'ils chantent toujours, « Nous vaincrons », il n'y a pas le moindre doute que la lutte contre le racisme dans sa forme la plus fanatique est gagnée. C'est une affaire maintenant de 2 ou 3 ans, vraiment pour faire enregistrer les voteurs noirs, ça sera fait. Mais ce n'est pas là la grande lutte. C'est le commencement de la fin cette histoire dans le sens légal, mais c'est aussi le commencement de la vraie lutte, de mettre la tolérance dans l'âme des gens. Il faut 20 ans pour éduquer une génération de jeunes noirs et de jeunes blancs à considérer les noirs comme les citoyens, comme eux, et ça sera une affaire de 20 ans, peut-être même de 25 ans et de plus, pour créer l'égalité des droits dans le sens de la Déclaration des droits de l'homme. Homme lucide que ce David Schönbrunn, car en 1965, on est en effet bien loin d'être arrivé au terme d'une telle bataille. Chapitre 4. Dans la chaleur de la nuit. Cette année-là, à Los Angeles, à la mi-août, 5 jours d'émeute font 33 morts, 800 blessés, 2700 arrestations. Les 200 000 gardes nationaux réquisitionnés quadrillent des quartiers entiers devenus la proie des flammes. Au-delà des chiffres, c'est d'autant plus la stupéfaction qu'en principe, en Californie, la discrimination n'existe pas. Jacques Salbert, longtemps correspondant aux États-Unis pour la radio-télévision française, est installé cette année-là à Los Angeles. Il nous fait un état des lieux. Rien ne sert de promulguer des lois, de donner le droit de vote aux Noirs, de les inscrire sur des listes électorales et de recevoir M. Martin Luther King à la Maison Blanche si la police ne change pas son attitude vis-à-vis des Noirs et si les municipalités locales ne font pas un effort pour améliorer les conditions de logement et de vie. Très souvent, les chefs de police sont de la vieille école. Il leur est évidemment difficile de s'adapter à des conditions nouvelles. Alors peut-être serait-il sage de les changer avant que les incidents éclatent. C'est ce qui a été fait à Harlem après les incidents de l'an dernier et l'arrivée d'un nouveau chef de police qui a su se faire estimer par un certain côté humain dont il a fait preuve a fait beaucoup pour calmer les esprits. Bien sûr, les policiers n'ont pas toujours tort. Les incidents sanglants de ces quatre derniers jours ont commencé simplement parce qu'un policier a voulu faire passer un test à un jeune noir qui conduisait en état d'ébriété. Le policier avait raison, c'est la loi de Californie. Et cette loi est la même pour les Noirs et pour les Blancs. N'empêche que les Noirs se sont immédiatement rassemblés, exigeant que le policier relâche le fautif, et c'est comme ça que cette véritable petite guerre civile a commencé. Les Noirs, excités par certains leaders extrémistes, n'ont plus confiance dans la police. Sur leur poste de télévision, ils ont vu les chiens lâchés sur leurs frères de couleur en Alabama ou les matraquages de Selma ou de Montgomery. Le cop, c'est devenu l'ennemi. Et maintenant, à chaque fois qu'un policier blanc s'en prend à un noir, même si c'est un délinquant notoire, il se fait accuser immédiatement d'être un abominable raciste. Tel est le problème tel qu'il se présente, non pas seulement à Los Angeles, mais dans toutes les grandes villes des États-Unis où il existe un quartier noir important. Rencontre avec un jeune leader noir du côté de Harlem. Ici à New York, enfin un noir comme moi, il y a 2 semaines, enfin 1 heure le matin, je cherche à garer ma voiture. Et alors, il y a une voiture devant moi qui s'arrête, qui se met en marche, qui s'arrête. Enfin, il y a une voiture ordinaire avec deux messieurs en civil. Et alors, tout d'un coup, il sort de la voiture, il commence à m'injurier en m'appelant espèce de, etc. Et alors, c'est à ce moment-là que je me rends compte que ce sont des flics. Mais cette attitude de police, enfin, quand ils voient, partout dans ce pays, quand ils voient un visage noir, enfin, ce manque de respect de l'être humain, c'est une chose que chaque noir est assujetti à cela. C'est à remarquer qu'à Los Angeles, et souvent, dans ces genres d'explosions, que c'est souvent la police qui est impliquée là-dedans. Et je ne dis pas qu'ils ont toujours tort, mais je dis tout simplement qu'il y a un ressentiment chez le noir, cette attitude avec laquelle de mépris. Personne n'est content d'être méprisé, et souvent par un être qui est inférieur intellectuellement, socialement, économiquement à lui. Est-ce que vous ne croyez pas que les incidents aussi violents que ceux qui sont déroulés à Los Angeles travaillent un peu contre cette cause de l'émancipation des Noirs et que c'est donner des arguments évidemment très forts à ceux qui sont toujours pour la ségrégation et... Mais vous savez, quand j'entends des choses comme ça, ça me met hors de moi. Parce que c'est un cercle vicieux, enfin, cette situation. Et pourquoi voulez-vous que ce soit toujours nous autres Noirs qui arrêtent ce cirque? C'était pas nous qui l'avons commencé. Et alors, il y a la pauvreté, la discrimination, le traitement d'inégalité à laquelle nous sommes assujettis par la police partout. Alors, après, quand il y a une révolte contre cela, on nous dit, ah tiens, voilà, si seulement vous avez été plus sage, on a été sage depuis 100 ans et on n'a pas vu beaucoup de choses changer. Alors, ma réponse à votre question, c'est que si ça risque de... Ça ne peut pas risquer de tourner les gens de bonne volonté contre nous. Les seuls gens qui prendraient ça comme excuse sont des gens qui n'ont pas l'intérêt des Noirs et du pays, enfin, à cœur. Mais l'on est décidément loin de la paix et du calme. Voici, en un seul lancement de titre, le contenu du journal du 2 août 1966, au micro Paul Daniel. les flambées de haine qui se sont produites en divers points des États-Unis au cours du week-end dernier, mettant aux prises des Blancs contre des Noirs ou des Portoricains et nécessitant l'intervention en masse de la police, ont continué cette nuit. À Chicago, la police appelée dans le quartier portoricain de la ville pour intervenir dans une querelle de famille, a abattu de 5 coups de pistolet Ismaël Lavoy, père de 8 enfants. Sa mort a provoqué des attroupements de Portoricains qui se sont mis à saccager les voitures des agents. À Providence, une manifestation de 1000 Noirs scandant « les Noirs au pouvoir » s'est terminée par une bagarre de police. À Perth-on-Boy, sur la rive en bordure du port de New York, de nouveaux incidents ont éclaté entre police et portoricains pour la troisième nuit consécutive. À Bogalusa, en Louisiane, 2 Blancs ont été arrêtés sous l'inculpation d'avoir tué un Noir de 24 ans. Le président Johnson est encore bien loin d'avoir trouvé la solution pour résoudre les problèmes raciaux aux États-Unis. Demain, la suite de cette évocation. Dans les années 30, un postier noir de Harlem, Victor Green, a publié un livre qui allait devenir à la fois guide de voyage et guide de survie, le Negro Motorist Green Book. Il a aidé, cet ouvrage, les Afro-Américains à voyager en toute sécurité dans les États du Sud jusque dans les années 60 et a également servi de catalyseur pour de nouvelles entreprises. Explorer quelques-uns des havres de paix et des célèbres villes du coucher de soleil de ce pays ségrégué et assister à des histoires de lutte et d'indignité ainsi que d'opportunités et d'innovation, c'est ce que propose le prochain documentaire d'histoire vivante, Green Book. Le début du XXe siècle marque l'âge d'or de l'automobile aux États-Unis. Les Afro-Américains aiment l'automobile et la promesse de la grande route. Mais contrairement aux Américains blancs, les automobilistes noirs risquent d'être confrontés à un monde de danger et de discrimination à chaque fois qu'ils prennent la route. Ils ont besoin d'un guide de survie pour pouvoir sillonner les routes dangereuses de l'Amérique. Ce qu'ils pourront faire avec le Green Book. Les dangers sont réels dans les grandes et les petites villes. Et plus particulièrement dans les Sundown Towns, les villes où les noirs sont interdits après le coucher du soleil. La définition d'une Sundown Town peut varier, mais pas sa réalité. Ce sont des villes où les Afro-Américains ne sont pas les bienvenus. Il y avait même parfois, à l'entrée de la ville, un panneau sur lequel était écrit « Partez avant le coucher du soleil ». Dans le prochain documentaire d'Histoire vivante, le livre vert, guide de la liberté. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc, en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Assistant à de production, Corinne Rochat, Valérie Dantan, Daniel Zacker. Réécoutez podcast sur histoirevivante.ch. La première, 14h.